suis un peu dégoûté, j'aurais dû t'écouter. Niquer tous ces fils de pute, pour qu'on soit redouté. Un kilo sous la presse, je la coupe avec la max. Attention, laisse pas d'empreinte si tu veux pas finir à freine. Moi y'a rien que je regrette, je graille, j'ai pris du grade. Mon père à la retraite, cet hiver je l'emmène en crête. Bien sûr je suis millionnaire, car y'a qu'aux riches que l'on prête. Bien sûr je suis visionnaire, c'est dans les proches qu'il y a les traîtres. Je me serais tatoué des aides, je me serais tatoué Tupac. La meilleure des défenses, fils de putain, c'est bien l'attaque. Toi t'as fait le 17, moi je le sors de ma sacoche. Pour trouver tes pistes, parabellum, c'est très fastoche. La vie est une course de fond, toi t'es précipité. Y'a pas quoi s'inquiéter, personne ne s'est quitté. Être très bien équipé, tu sais ce que ça veut dire. J'ai tiré dans le passé, ça va toucher dans l'avenir. Dans le resto, une côte de bœuf que je digère avec la puff. Un gros loyer sur la rue Marbeuf. Jamais à mon nom, c'est pour les keufs. Ce mode de vie, on l'a pas choisi. Mec du sud, Tarigo. Faire du mita à Nantes. Et des bagarres au Comico. Avec mes potes, on rôde la nuit. J'ai des shit, j'ai les crocs. Poser de la peine à nos mères. Elle a pleuré des litres. Combien j'ai niqué en frais d'avocat. Je sais pas, frère, c'est trop. Combien de gros bâtards voudraient nous faire. La vie, c'est pareil que Scarface. Et les jaloux quand on a faux. Je vous attends, bande de pistes. Bien sûr qu'il y a des âmes, si y a la guerre. Des âmes longues et variées. Un tocaret dans la Urus. Des ricaines et des russes. C'est moi que tu vois passer à 200 sur la voie des bus. Y'a rien que je me refuse. Sur mon lit, la méduse. T'insultes après tu. Mon pote on l'a vécu ça, avoir un gros terrain qui tourne à 20 balles le jour. C'est pas demain que tu verras le jour si je te casse tes reins. Bah oui ça part en vrille, mon Dieu préparez-moi. Mon gros si j'étais cuit, aucun fils ne te parlerait de moi. L'être humain est traître, avide, mauvais. Ils vont me pousser à l'erreur et je vais venir les lever. Pour mon petit coin de paradis j'ai vécu un enfer. Ils m'ont mis au placard et j'ai fait 8 ans ferme. Ce mode de vie on l'a pas choisi. Mec du sud Tarigo. Faire du mitard à Nantes. Et des bagarres au Comico. Avec mes potes on rôde la nuit. J'fume des shit, j'ai les trop. Poser de la peine à nos mères. Elle a pleuré des litres. Combien j'ai niqué en frais d'avocat. Je sais pas, frère c'est trop. Combien de gros bâtards voudraient nous faire. La vie c'est pareil que Scarface. Et les jaloux quand on a faux pas. J'vous attends bande de pute. Bien sûr qu'il y a des armes si y a la guerre. Des armes longues et variées. De l'esprit, la jupe, ouais, la crème, la jupe, ouais, la jupe, ouais, la jupe, ouais, la jupe, ouais, la jupe, ouais, la jupe, ouais, la jupe, ouais, la jupe, ouais, la jupe, ouais, la jupe, ouais, la jupe, ouais, la jupe, ouais, la jupe, ouais, la jupe, ouais, la jupe, ouais, la jupe, ouais, la jupe, ouais, la jupe, ouais, la jupe, ouais, la jupe, ouais, la jupe, ouais, la jupe, ouais, la jupe, ouais, la jupe, ouais, la jupe, ouais, la jupe, ouais, la jupe, ouais, la jupe, ouais, la jupe, ouais, la jupe, ouais, la jupe, ouais, la jupe, ouais, la jupe, ouais, la jupe, ouais, la jupe, ouais, la jupe, ouais, la jupe, ouais, la jupe, ouais, la jupe, ouais, la jupe, ouais, la jupe, ouais, la jupe, ouais, la jupe, ouais, la